Vous écoutez CKRL au 89.1 et pour finir cette édition de Futur Sainte, nous allons nous plonger dans le monde de l'éthologie. L'éthologie, c'est la branche de la biologie qui s'intéresse au comportement animal et humain. C'est une science vaste qui passe de la neurobiologie jusqu'à l'étude des relations entre les individus. Depuis quelques années, une nouvelle façon de faire de l'éthologie est apparue, l'éthorobotique. Alors Adèle Mazurek va nous expliquer ce qui se cache derrière ce nom un peu bizarre. Bonjour Adèle. Bonjour François. Alors Adèle, l'éthorobotique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je le prononce bien premièrement? Oui, c'est l'éthorobotique. L'éthorobotique, donc comme le nom l'indique, finalement c'est l'utilisation de robots pour étudier le comportement des animaux. Et on parle de quel type de robots quand on parle d'éthorobotique? Alors, ça peut être des machines simples qui réalisent des comportements en boucle ou qui sont commandées à distance par l'expérimentateur. Il existe aussi des machines plus autonomes qui vont ajuster leur comportement en fonction de l'environnement et des animaux qui l'entourent. Et dans ces modèles-là, l'homme n'intervient quasiment plus une fois que l'expérience est commencée. Mais pourquoi est-ce qu'on veut utiliser des robots? En fait, quelle est l'utilité de ces robots? En éthologie, il est possible d'étudier les animaux en laboratoire, dans un milieu naturel ou semi-naturel. Donc, par exemple, en laboratoire, on va principalement faire varier des paramètres pour voir l'influence qu'ils vont avoir sur le comportement de l'animal. En milieu naturel, on cherche à observer les animaux sans forcément intervenir, bien qu'il est possible d'inclure des paramètres dans l'expérience. Mais dans les deux cas, ce n'est pas toujours évident de ne pas interférer avec le comportement des animaux. Si on prend l'exemple d'un milieu naturel, les animaux peuvent avoir peur de l'humain et les données peuvent donc être biaisées. Quel type de recherche peut-on faire en milieu naturel avec un robot? Alors, tu as peut-être déjà vu passer sur Internet des photos de ce petit robot poussin au beau milieu d'un regroupement de manchots. Donc, en fait, ce sont des chercheurs français de Strasbourg et de Monaco qui ont eu l'idée d'utiliser un rover déguisé pour s'immiscer dans la vie des manchots. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces manchots sont déjà dotés de bagues qui permettent d'enregistrer des données biologiques, comme par exemple les battements de leur cœur. Et sur place, les chercheurs ont laissé un récepteur. Le problème, c'est que pour pouvoir récupérer ces données-là, il faut récupérer le récepteur. Mais la présence d'un humain, ça sème tout de suite la panique au sein du groupe. Les manchots stressent, ils adoptent un comportement de fuite et puis surtout leur rythme cardiaque augmente fortement. Alors c'est ce petit rover-là qui va faire le travail et qui va aller chercher finalement les données. Il perturbe quand même un peu les manchots parce que bon, ils se rendent compte quand même que c'est pas tout à fait le même individu, mais au moins ça ne les fait pas fuir puis ça biaise pas l'expérience. Okay. Donc c'est pour passer un peu inaperçu, je pourrais dire, tout en prélevant des données. Là. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est intéressant. Et en laboratoire, en fait, quelles sont les possibilités? Elles sont multiples puisqu'il y a tellement de paramètres sur lesquels on peut jouer dans une expérience. Alors moi, je vais parler d'un chercheur rennais qui a construit un robot pour remplacer des mamans cailles. Alors de cette manière, il va pouvoir étudier le comportement maternel et plus spécifiquement les traits de caractère qui sont transmis par le comportement de la mère. Donc avant, comment faisaient les chercheurs? Ils confiaient les petits, par exemple, à des mères d'adoption pour exclure les caractères acquis génétiquement. Alors, pendant un maternage naturel, la maman, elle bouge, elle réchauffe ses petits, elle les aide à s'alimenter, elle les appelle. Mais le problème, c'est qu'il est impossible d'imposer un oiseau de piailler ou de rester immobile pour voir la conséquence que ça va avoir sur les petits. On ne peut pas les dresser comme ça. C'est un fait. Alors, il a construit un robot qui ressemble à une caille, quoi? Et ben, l'avantage avec ces oiseaux-là, c'est qu'ils s'attachent à n'importe quel objet qui leur est présenté dans les premiers instants de vie. Donc, le robot ne ressemble pas du tout à une caille. Ah. Il est fait en plexiglas et il n'a aucune plume. Donc, il n'a aucunement l'air de sa maman. Là. Non, il faut juste le présenter vraiment très tôt, juste après la naissance, et l'animal s'attache directement, peu importe l'objet, en fait. Alors, en revanche, par contre, ils se déplacent, on va dire qu'ils se reposent, ils font des arrêts, ils réchauffent les petits, ce qui est indispensable pour la survie. Et il est programmé, finalement, pour avoir ces comportements d'une maman caille. Donc, ce robot a permis de mettre en évidence que les oisillons qui avaient l'habitude de suivre leur mère, qui était, elle, mobile, donc leur mère, finalement, leur mère d'adoption robot, se déplaçait beaucoup plus que les autres placés avec une mère immobile et était aussi plus efficace pour contourner un obstacle. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme résultat? Mais ça montre, en fait, que la mère semble avoir un rôle important pour développer les capacités spatiales chez les jeunes. Alors, l'utilisation d'un robot nous a permis de voir ça. Ça n'aurait pas été aussi facile de montrer ça avec une vraie maman caille qu'il aurait fallu, je ne sais pas comment faire, pour l'empêcher de bouger. Et à l'époque où j'étudiais encore à Rennes, puisque j'étais dans ce laboratoire étudiante, les chercheurs avaient pour objectif de doter le robot d'un dispositif audio pour étudier cette fois-ci le rôle des cris. Mm-hmm. Donc voir quel impact ils ont sur les petits. Mm-hmm. On vient de voir l'utilité des robots pour étudier le comportement maternel chez les cailles, mais quelles autres études ont été faites aussi avec des robots? Alors, il y a eu des études, par exemple, sur les crabes violonistes. Ce sont ces crabes qui ont une énorme pince. Je ne sais pas si tu as déjà vu des photos. Ils ont vraiment une autre pince démesurée par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on les appelle violonistes. Oui, c'est pour ça. Uh-huh. Et les mâles ont notamment un comportement de parade particulier que les chercheurs ne comprenaient pas très bien au départ. Pour séduire la femelle, ils se positionnent autour d'elle et effectuent un mouvement caractéristique vers le haut avec leur énorme pince. Uh-huh. Et ce qui est étonnant, c'est que le mouvement des pinces est synchronisé avec celui des autres crabes. Alors, les chercheurs se sont demandé, mais de quelle manière la femelle finalement choisit le mâle parmi tous ses prétendants? Très bonne question. Est-ce qu'elle aime la synchronisation ou bien c'est le fait que le mâle soit un leader qui l'initie le mouvement? Alors, évidemment, comme il était impossible de dompter les mâles, les chercheurs ont utilisé 4 pinces robotisées pour, en quelque sorte, séduire la femelle. Alors, 2 pinces qui sont synchrones et 2 autres asynchrones. Et toutes les quatre avec le même mouvement et la même fréquence. Et la réponse à la question est que la femelle a choisi les pinces asynchrones et surtout celles qui débutent le mouvement en premier. Donc finalement, les mâles leaders ont plus de chances de séduire les femelles crabes violonistes. C'est ce qu'on a pu déduire de cette expérience. Au début de ta chronique, tu distinguais 2 sortes de robots, les machines simples, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et les plus complexes, autonomes. Alors, dans quel type d'études est-ce qu'on s'en sert? Alors, les robots plus autonomes, ils ont été utilisés notamment par une équipe regroupant des chercheurs de Rennes, de Lausanne et de Bruxelles qui ont eu l'idée un peu folle d'utiliser un robot Blatt. Blatt, c'est les cafards, en fait, étudier la prise de décision collective. Alors, la première étape consistait déjà à construire un robot qui se déplace à peu près comme une Blatt. Donc ça, ils ont réussi à faire ça grâce à une modélisation des mouvements de l'animal qu'ils ont implanté ensuite dans son cerveau électronique. Mmh. Donc ça, c'était la première étape, mais ensuite, il a fallu quand même que la blatte robot soit intégrée au groupe d'insectes. C'est un fait. Qui soit considérée finalement comme leur congénère. Exactement. Alors pour tromper les autres cafards, le robot a été enduit d'un parfum. En fait, ce sont des phéromones. Donc c'est les molécules qui permettent de se distinguer les unes des autres. Le but de l'expérience, c'était de comprendre comment se déplacent les blattes et comment elles choisissent un lieu commun pour se regrouper, parce que ça, c'est vraiment la caractéristique de ces insectes-là. Alors, les chercheurs savaient déjà à la base que les cafards préfèrent se reposer dans l'obscurité. Donc, ils ont commencé leur expérience en mettant à disposition 2 abris, un clair, donc à la lumière, et un sombre. Donc, il n'y a eu aucune surprise, les cafards sont directement allés vers le coin sombre, comme c'était prévu. Uh-huh. Mais par contre, ce qu'ont découvert les scientifiques, c'est que lorsqu'un nombre suffisant de robots cafards était programmé pour se rendre dans l'abri clair, la colonie entière était prête à les suivre pour se réfugier, pour se regrouper tous ensemble. Donc, ce qui est ressorti de cette étude, grâce à l'utilisation de ces robots, c'est que le choix de l'abri chez les cafards, c'est principalement dû à un processus organisé et d'une décision collective, ce qu'on n'aurait peut-être pas pensé à la base capable pour des 6 petits insectes, et non pas pour une préférence pour la lumière. Alors, la robotique semble avoir trouvé sa place dans le domaine de l'éthologie. Et à long terme, est-ce que toutes les études seront réalisées avec des robots? Alors, d'après ce que j'ai pu lire, il y a peu de chances que ça soit tout le temps utilisé, que les robots soient tout le temps utilisés, bien que les progrès en robotique soit très séduisant pour étudier le comportement animal. C'est pas toujours facile d'utiliser des robots, notamment en milieu naturel, parce que c'est difficile à mettre en place comme expérience. Il faut aussi programmer le robot, il faut qu'il soit intégré avec les autres animaux. Et évidemment, ça a un coût supplémentaire. Effectivement. C'est en tout cas un curieux mariage entre la robotique et l'éthologie. Oui. Merci beaucoup, Adèle. De rien. Alors, on va passer en pause musicale et on vous revient après avec le mot de la fin.